Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Pour moi, l'hystérie, c'est une crise, tout simplement, quoi. C'est-à-dire, on se laisse déborder par ses émotions et on n'arrive pas à se maîtriser. Ça peut arriver quand on est poussé à bout. Pour moi, c'est un état un peu de colère ou, je sais pas, de furie un peu. Sortir de ses gonds, être un peu piqué des crises, il y a une cause à effet, je ne suis pas docteur, mais je pense. L'hystérie, étymologiquement, ce sont les ovaires de la femme. Une maladie. Ça peut être sexuel, frustration. On entend souvent ça d'un homme à une femme qui était hystérique. Les femmes sont hystériques dès qu'elles se mettent à ne pas être d'accord et à le dire de façon claire, nette, précise et tout de suite pour se défendre de ça. Ah, les femmes sont hystériques. Non, les femmes ne sont pas hystériques. En 2022, un procès très médiatisé divise le monde en deux catégories. Celles et ceux qui croient Amber Heard, cette jeune actrice hollywoodienne traînée en justice pour diffamation, alors qu'elle accusait son ex-mari Johnny Depp de violence conjugale. Et celles et ceux qui croient à l'innocence du mari. Des gros plans sur le visage de l'actrice circulent partout dans le monde. Son visage tordu de colère, ses lèvres qui tremblent, ses mains crispées. Cette femme qui toujours pleure trop, rit trop, trop froide ou trop affectée. Sa parole exposée et explosée. Et puis, le couperet. Hystérique, pour l'avocate de Johnny Depp. Histrionique, et borderline, pour l'experte en psychologie appelée au procès. La justice, comme l'opinion publique, se montre du même avis. L'hystérie, en fait, pour moi, est une espèce de mot fourre-tout. C'est vraiment, historiquement, un mot qui a une histoire piégée. On comprend, je pense, de plus en plus vite et fréquemment le caractère sexiste du mot. Et il n'est utilisée que pour disqualifier une femme, ou plus précisément la faire taire. Mais aussi hystérique. Nathalie Kosciusko-Morizet, Aurélie Filippetti, Mathilde Panot, Marlène Schiappa, Ségolène Royal, Sandrine Rousseau, Rachida Dati. Et avant elle, des générations de femmes politiques, des tricoteuses de la Révolution française aux pétroleuses de la Commune, des suffragettes aux membres du MLF. En fait, c'est le monstre suprême, quoi. C'est les sorcières, en fait. Il n'y a ni doute ni débat sur le caractère misogyne de ce terme qui fait parfois même sourire, en ramenant comme un automatisme la parole de l'autre à son utérus. On n'a jamais été complètement d'accord sur l'hystérie à aucune époque. Regardant le savoir sur cette maladie, on ne sait rien depuis le début, ce non-savoir reste presque inchangé jusqu'au 19e, jusqu'à Charcot. Étymologiquement, cela vient de utérus, et l'idée c'est que toute la femme, tota mulier in utero, dit-on à la suite d'Hippocrate et depuis l'Antiquité, toute la femme serait contenue dans l'utérus. Cet organe qui a défrayé la chronique dans toute l'histoire de la médecine. L'hystérie est une longue histoire de vapeur et d'écran de fumée, mais aussi une affaire de langage. Un mystère qui traverse les âges, qui se fraye un chemin depuis l'Antiquité pour se maintenir aujourd'hui encore dans les cours de médecine, dans les couloirs des hôpitaux psychiatriques, dans les expertises judiciaires, dans les grilles psychanalytiques. C'est une catégorie qui est considérée comme quelque chose qui n'existe pas et qui est caractérisée par le fait de simuler ses troubles. C'est un non-diagnostic. Symptôme d'un utérus baladeur ou d'un mal du diable, trouble mental ou maladie neurologique, névrose hystérique ou bien rien de tout ça. Il faut prendre très au sérieux l'histoire de l'hystérie. Et pour ça, regarder son spectre large. Quand le terme apparaît et s'évanouit, il faut aussi aller chercher ses fantômes, ses ombres et ses permanences, et faire entendre ses disparus et ses victimes d'aujourd'hui. Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée. Une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 1, la matrice du mal. Il ne faut point traîner en longueur pour savoir si nous devons appeler utérus, hystéra, ou matrice, mitra, la partie donnée aux femmes par la nature pour la conception, ni si nous nous servirons soit du pluriel, soit du singulier. ayant vu beaucoup d'hystériques. Hystériques qui, les unes privées en même temps de sentiments et de mouvements, offrant un pouls très faible et très petit et paraissant même sans pouls, les autres sentant, se mouvant et saines de raison, mais tombant en faiblesse et respirant à peine, d'autres enfin dont les membres étaient contractés, je compris qu'il y avait de nombreuses variétés dans les affections utérines, différant les unes des autres. Galien, des lieux affectés, 160 après Jésus-Christ. Le terme a vraiment été désigné comme une maladie spécifiquement féminine au XVIIe siècle. Mais l'ensemble des mots qui lui sont rapportés ou des descriptions remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ, puisque finalement il faut reprendre une histoire, surtout des traités des maladies des femmes. Et cette histoire, on peut au moins la faire commencer avec le corpus hippocratique. Elsa Dorlin, professeure de philosophie. Dans le traité des maladies des femmes. Autrice de La matrice de la race. Le corps féminin va être décrit à l'aune de la théorie des tempéraments. On considère alors que le corps féminin a cette spécificité qu'il relève d'un tempérament froid et humide. C'est-à-dire dans leur corps, il y a une humeur qui est en quelque sorte en excès. Et donc l'idée que les femmes sont plus froides et humides, c'est aussi l'idée qu'elles sont dans le cadre de la reproduction, dans cette nécessité d'accueillir le fœtus dans un corps qui doit rester pour eux et passif. Et il va avoir une sorte de double explication, à la fois humorale et presque topographique, puisque la matrice, l'utérus, va être également perçue comme le siège de ces dérèglements, mais aussi un organe relativement mystérieux. Chez les femmes, ce qu'on appelle matrice ou utérus est un animal aux dedans d'elles qui a l'appétit de faire des enfants. Et lorsque, malgré l'âge propice, il reste longtemps sans fruit, il s'impatiente et supporte mal cet état. Il erre partout dans le corps, obstrue les passages du souffle, interdit la respiration, jetant des angoisses extrêmes, et provoque d'autres maladies de toutes sortes. Platon, le Timée, moins 360 avant Jésus-Christ. C'était vers 2008, en fait, où j'ai commencé à faire des malaises assez bizarres qui n'ont pas été étiquetés tout de suite. C'était vraiment comme un AVC. Donc, je perdais la motricité d'un côté, je perdais la parole. Mais en gros, j'étais par terre et je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même pas ramper. Les périodes où j'étais pas consciente, ça allait. Mais quand je me réveillais, c'était... qu'est-ce que je fais, quoi ? Je me souviens d'une fois où j'étais toute seule, j'étais par terre, j'avais le nez en sang, et il a fallu que j'attende que ça passe, quoi. Je suis Alix, je travaille dans le culturel dans une petite ville, donc aux archives départementales. Et en fait, la première crise, je l'ai eue au travail. Quand j'ai été aux urgences et qu'ils ont fait les tests pour savoir si j'avais un AVC ou pas, ils n'ont rien trouvé, donc ils m'ont dit « ça doit être un AIT, c'est pas très grave, mais il faut voir votre médecin pour voir si vous n'avez pas des troubles cardiaques. » C'est quoi un AIT ? C'est un caillot qui se met dans une veine ou une artère du cerveau et qui va se dissoudre tout seul. Après cet épisode-là, j'ai été voir un cardiologue qui, lui, n'a rien trouvé, et j'ai continuer à faire des malaises similaires. Donc j'étais régulièrement aux urgences. Ils m'ont dit peut-être que c'est lié à votre mode de vie et que si vous viviez en province, vous auriez moins de stress et du coup moins de risque de faire des AIT. Je me suis dit, c'est bizarre comme hypothèse de me dire que c'est juste la vie parisienne qui fait que j'ai ce genre de crise. De toute façon, j'étais aussi dans un état moral qui n'était pas idéal, puisque je venais de me séparer de ma compagne. Et je me suis dit, effectivement, pourquoi pas aller voir en province. Peut-être que je pourrais améliorer mes conditions de vie, en fait. Je suis partie de Paris pour arriver en Nouvelle-Aquitaine. Assez rapidement, en fait, les crises se sont multipliées. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à voir les médecins urgentistes se poser des questions et me dire, on ne sait pas, mais quand même, c'est bizarre vos crises. Il y a une fois un urgentiste qui s'est énervé et qui m'a dit « Oui, mais de toute façon, vous faites des crises qu'en public. » à la fin, ça a été carrément, j'allais plus au déchocage. Donc moi, je restais dans la zone d'attente, en fait. Un jour, c'est en allant voir mon médecin traitant, parce que je sortais de l'hôpital. J'avais fait plusieurs crises dans la semaine, et là, j'avais passé la nuit à l'hôpital. Donc je suis allée le voir, parce que vraiment, j'étais dans un état terrible, et limite, je tenais pas debout. Et c'est lui qui m'a craché le morceau en me disant, vous êtes hystérique. À partir de la fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe siècle, l'hystérie va se construire comme la maladie, non pas spécifiquement féminine, mais comme la féminité elle-même poussée à son paroxysme. C'est-à-dire si les femmes sont par nature froides et humides, l'hystérie n'est que le phénomène excessif de ce tempérament. Donc toutes les femmes sont hystériques en quelque sorte. Suffocation de matrice vient de la rétention des menstrues retenues, ou de la corruption de la semence, ou d'une apostème faite en la matrice, ou fleurs blanches et autres mauvaises humeurs qui se putréfient en elle, ou de ventosité, ce qui se peut connaître parce que la femme aura grand soupir, vertige, scotomie, douleur de tête, nausée, roux et grand bruit aux intestins. Ambroise Paré, 1573. Cette idée de suffocation de la matrice ou des vapeurs, c'est la quintessence de la féminité, c'est l'idée de ce corps dans lequel, en fait, l'humeur morbide reste, ne peut pas s'évacuer, croupit dans l'utérus et rend en quelque sorte ce corps malade. À partir de cette suffocation, on va vers donc tous les états qu'on pourrait qualifier de morbides. Jean-Christophe Abramovici, professeur de littérature. Il y a cette espèce de crise. Auteur de « Les hystériques en attendant Freud ». Avec les distinctions, avec l'épilepsie, etc., sur lesquelles reviendront les auteurs du 19e en confondant un petit peu épilepsie et hystérie. Ensuite, il y a des effets de douleur qui, selon les auteurs, selon les époques, vont concerner les parties génitales, quelquefois des membres avec des effets de paralysie ou de fort céphalée. Donc un symptôme principal qui est cette impression d'étouffement et une variété de symptômes, mais se pose aussi la question de savoir quel crédit accorder aux paroles des femmes et à la manière dont elles décrivent leurs propres douleurs. Autour des maladies des femmes se construit une représentation moderne de la différence sexuelle, mais aussi les premières grands systèmes explicatifs de la reproduction. Un des points d'ancrage, c'est le rapport à la santé, le rapport donc entre sain et malsain, masculin et féminin. Les femmes vont être définies comme plutôt d'un naturel malsain, c'est-à-dire sujettes aux maladies. Et ça permet de conclure à une infériorité des femmes. Ça permet de les exclure efficacement, en fait, des sphères de savoir et du pouvoir, puisque leur corps ne les laisse jamais tranquilles. Finalement, l'hystérie, c'est toujours venir, en fait, délester la parole des femmes de son poids de réalité. Et pour ça, la qualification d'hystérique, elle demeure très utile. Toute malice n'est rien près d'une malice de femme. Une femme qui pleure est un mensonge. Deux genres de larmes dans les yeux de femmes en même temps. Les unes pour la douleur, les autres pour la ruse. Une femme qui pense seule pense à mal. Certains assignent d'autres raisons encore au fait que plus de femmes que d'hommes sont engagées dans la superstition. La première, c'est qu'elles sont plus crédules. La deuxième raison, c'est que les femmes sont naturellement plus impressionnables. D'où, quand elles usent bien de cette aptitude, elles sont très bonnes, autrement, elles sont très mauvaises. La troisième cause, enfin, c'est qu'elles ont une langue bavarde. Ce qu'elles apprennent dans les arts magiques, elles le cachent avec peine aux autres femmes, leurs amies. Et parce qu'elles sont faibles, elles cherchent un moyen de se venger plus facilement, en secret, par des maléfices. Thank you. on fire. Jacques Sprenger et Henri Institoris, Malleus Maleficarum ou le marteau des sorcières, 1486. Est-ce que vous en avez discuté avec votre médecin? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « vous êtes hystérique » En fait, c'est pas lui qui m'a diagnostiqué, il me l'a expliqué après. En fait, c'est les urgences qui m'ont diagnostiqué hystérique, sans que j'aie jamais vu un psychiatre ni même un psychologue. Ils ont considéré que j'avais besoin d'attention médicale et que donc c'était de l'hystérie. Quand il m'a dit ça, il était persuadé que c'était vrai. À la fois, j'ai été très énervée et à la fois, j'étais contente. J'étais contente parce que c'était la première fois qu'on me donnait un diagnostic. Et en même temps très énervée parce que moi, l'hystérie que j'avais en tête, c'était la grandiloquence, tout ça, et que moi, je me reconnaissais pas du tout dans cette définition, en fait. Depuis les années 70, c'est plus vraiment un diagnostic officiel, mais ce que j'ai découvert sur le terrain donc de la psychiatrie hospitalière et ambulatoire, donc c'est la psychiatrie publique française, c'est qu'en réalité, le diagnostic est toujours utilisé dans les pratiques. Julia Legrand, sociologue. Je m'attendais pas du tout en fait à trouver l'hystérie sur le terrain et dans les faits, en observant des consultations donc au long cours, soit dans des unités fermées hospitalières, soit dans des centres médico-psychologiques en ambulatoire, régulièrement les psychiatres pouvaient dire à des patientes qu'elles étaient hystériques ou plus souvent les équipes entre elles pouvaient dire voilà, elle c'est une hystérique. Alors je dis des patientes parce que c'était systématiquement des femmes. Sur un terrain de 2 mois à temps plein, j'ai jamais observé qu'un homme avait été catégorisé hystérique. Je pense aussi que pour ce diagnostic-là en particulier, je dis diagnostic mais ça à prendre avec des guillemets quand je le dis, mais pour cette étiquette-là particulière, on va dire, comme c'est ce que j'ai appelé une catégorie semi-profane, c'est-à-dire que dans le sens commun c'est aussi un terme injurieux, les psychiatres ont tendance à pas le dire directement aux patientes. Donc j'ai cette jeune psychiatre interne qui a peut-être un peu moins intégré l'éthos professionnel, donc toutes les choses qu'on ne dit pas forcément à une sociologue, on va dire, qui me disait complètement « moi je repère les hystériques au fait qu'elles sont chiantes, bipolaires, tendance dépressive ». L'espèce de sens commun qu'elle avait incorporé, qui est qu'en fait, les patientes chiantes, ce sont des hystériques. Alors quand j'ai eu le diagnostic d'hystérie, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Parce que je voulais pas, en fait, que les gens me voient comme une folle. Comme, en fait, l'image populaire, c'est ça. C'est je suis contrariée, donc je fais semblant. En termes de solution, on m'a rien proposé. Ni mon médecin traitant, ni les urgences ne m'ont jamais dit « il faudrait voir quelqu'un ». Je me suis tournée vers les médecines alternatives après ce diagnostic d'hystérie. Et notamment, comme j'ai été élevée dans la foi catholique, j'ai eu des gens qui me conseillaient, un prêtre en particulier, qui faisait de l'exorcisme. Ce qu'il m'a dit, c'est que parfois, il y avait des réminiscences du démon qui avait tenté Ève et qui se manifestait effectivement chez les femmes par des problèmes à enfanter ou par des crises, que lui disait des crises divines. Et il m'a dit « Ah oui, c'est sûr, le démon est en vous, on peut vous en libérer rapidement. » Et je crois que j'ai été un peu embobinée dans cette histoire parce que je me suis dit « bah s'il y a une solution simple et rapide, autant la prendre ». Ça s'est passé dans une pièce de l'évêché. Alors, j'ai jamais vu le lieu parce qu'en fait, on rentre, on est dans le noir. C'est extrêmement long et violent, un exorcisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le prêtre, il y a aussi 4 diacres qui sont là pour immobiliser la personne. Et ça dure des heures. C'est-à-dire que pendant des heures, il est en prière, il chasse le démon. Le prêtre crie beaucoup. Donc c'est vraiment une atmosphère très particulière. Et dans mon cas, ça a duré plus de 7 heures. Quand je me suis relevée au bout de ces 7 heures, j'étais dans un état un peu méditatif, un peu à côté en fait. Moi je me suis dit, ça y est, c'est bon, tout va bien se passer. Et puis le lendemain, je refaisais une crise. Comment on a fini par vous diagnostiquer ? Alors en fait, pour le diagnostic, c'est une fois où j'ai vraiment perdu connaissance. Et j'ai perdu la motricité d'un côté du corps. Et en fait, j'étais assise sur une table. Quand j'ai perdu ma mobilité, en fait, j'ai basculé sur le côté. Et la table est venue avec moi. Moi, je me suis réveillée, j'étais dans le camion des pompiers, j'étais déjà aux urgences, en fait. Ce jour-là, c'est un petit miracle, en fait. Il y a un interne. Alors que dans cet hôpital assez isolé, il y a assez peu d'internes. Et l'interne a remarqué que dans mon dossier, il n'y avait pas d'électroencéphalogramme qui permet de diagnostiquer les crises d'épilepsie. Bah, ils ont retrouvé effectivement que c'était une crise d'épilepsie parce que l'EEG était modifié et qu'il était modifié de telle façon qu'ils ont pu faire le diagnostic. Et moi, je me souviens effectivement de l'interne qui me dit « Bon, va falloir aller voir le neurologue parce que vous êtes épileptique. » Là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais vous êtes sûr que je suis hystérique ?» Il m'a dit « Ah non, non, mais là, je suis sûre que vous êtes épileptique. » Je garde des séquelles des crises d'épilepsie parce que en fait, il y a une crise d'épilepsie qui a dégénéré sans que les urgentistes s'en rendent compte. Et j'ai quand même conservé une hémiplégie. J'ai le bras gauche qui est mal habile et très faible, en fait. Ça a duré 7 ans. Donc 7 ans, soit d'errance diagnostique, soit d'errance traitement. Les psychiatres qui ont fait le DSM-2, donc le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux américains, ont décidé de sortir l'hystérie du DSM et de lui substituer le terme trouble histrionique. Ce qui est intéressant étymologiquement, c'est que hystérie, ça vient d'utérus. Donc là, on est sur une pathologisation, étymologiquement, clairement, de ce qui fait la femme biologique, on va dire. Et on passe à trouble histrionique, histrion voulant dire acteur. Donc là, on centre le diagnostic sur un symptôme qui est déjà dans l'hystérie, qui est le théâtralisme. Je me suis basée dans mon travail sur la définition du dictionnaire médical de l'Académie de médecine de 2022, donc a priori quelque chose d'assez générique. Et l'histrionisme est caractérisé principalement par le symptôme de théâtralisme. Ce théâtralisme, c'est une tendance aux expressions émotionnelles spectaculaires, d'une part, et ensuite précise, donc dans son expressionnisme quelque peu factice ou même caricatural, cette manifestation fréquente, surtout féminine, de la personnalité hystérique, a pour fonction principale d'attirer l'attention, l'intérêt, voire de susciter les avances, mais d'en rester au souci de plaire. Quand je suis tombée dessus, j'étais assez quand même étonnée, parce que c'est une définition qui clairement est orientée en termes de genre, et pourtant elle date de 2022. Donc en fait, ça fait plus d'un siècle qu'il y a des critiques sur l'aspect stéréotypé en termes de genre, une sorte de voilà de biais de genre en fait, de cette catégorie médicale. Et en fait, en 2022, on trouve encore cette définition. Ça paraît sortir d'une autre époque en fait. Entre les différentes potions anti-hystériques qu'on peut employer, on recommande particulièrement les deux suivantes. La première est composée de deux scrupules de soufre commun et d'un gros de noix de muscade, le tout en poudre et incorporé avec du sirop d'armoise. On fait le second, qui est encore plus efficace, avec le castoreum et l'asafoetida, qu'on fait prendre de demi-heure en demi-heure ou d'heure en heure, suivant que le mal est pressant. En général, le traitement qui convient pour guérir radicalement les vapeurs hystériques consiste dans l'usage des apéritifs martiaux modérés, comme le tartre martial soluble, le sel de Mars, la fumigation avec la poudre des verrues qui viennent aux jambes des chevaux. On fait sécher ces verrues, on les réduit en poudre, on en jette de petites pincées sur des charbons et on porte au nez des malades la fumée qui s'en élève. L'arrière-fait d'une première couche, séchée au four et mise en poudre. Je puis dire à cet égard que plura refero quam credo. Jean Astruc, Traité des maladies des femmes, 1761. Tous ces textes, il ne faut pas croire qu'ils sont nourris d'une expérience de praticiens qui auraient rencontré beaucoup de femmes et qui se seraient fait une idée. On peut penser, on a assez peu de documents, jusqu'au 19e siècle, les femmes réglaient, si j'ose dire, leurs problèmes de santé entre elles et éventuellement de sages-femmes. À côté de ça, des hommes qui allaient pérorer sur une hystérie dont peut-être ils ignoraient tout, au sens où ils ne feraient que reprendre et rajouter quelques grains ou mettre à leur sauce des textes anciens. qu'on lui applique ventouse, sans scarification, au petit ventre, haine, au-dedans des cuisses et gras des jambes. Vrai est que si la femme est sanguine, vous pouvez saigner tant du bras que de la malléole. Non pas toutefois de la malléole quand la suffocation vient de semences corrompues. On peut faire la liste de tous les remèdes violents qui sont proposés au long des siècles pour calmer la femme qui serait rentrée dans une crise hystérique. Et c'est assez effrayant, et ça relève presque à nos yeux de la torture, avec la cage de fer plongée dans l'eau froide, enfin avec des éléments qui sont repris dans les traitements dans les hôpitaux psychiatriques au 19e. La plupart des traitements qui vont être imposés et sont d'une brutalité extrême, comme l'intervention sur les lèvres ou le clitoris, soit de toute façon des formes d'enfermement ou d'assignation, évidemment, au mariage. Parfumez-la par le bas avec un entonnoir d'un parfum fait de cannelle, poivre, xylaloé, clou de girofle, benjoin, thym, armoise, lavande, calamant, pouliot, ambre, moche. Le pécère, c'est quelque chose qui a une origine médiévale. Hein. On a des dessins, il y en a un justement chez Paré, donc médecin du XVIe siècle, qui montre véritablement à quoi ressemblaient ces pécères. Et quand on regarde le dessin, il est difficile de pas penser tout de suite à un godemiché. Donc très clairement, c'était un ustensile dans lequel on pouvait mettre des herbes, des matières à l'intérieur, que la femme allait, il y a des lanières, donc s'attacher peut-être autour de la taille et garder cela. Et il y avait l'idée qu'il fallait remettre l'utérus en place. On essaye de voir la petite musique que renvoient ces textes. Il y a l'idée que les femmes qui souffriraient de suffocation de matrice auraient en fait un problème lié à leur manque de sexualité. D'où les petites conclusions qu'il y a à chaque fois, faudra la fille marier. On peut lire au travers de cette non-sexualité une injonction faite aux femmes à justement avoir une sexualité, à rentrer dans la norme, et en même temps, un stade présenté comme plus grave que la suffocation de matrice, c'est la fureur utérine, c'est-à-dire de femmes qui auraient des envies sexuelles immodérées. Injonction contradictoire, punition, désignation comme malade de celles qui éprouveraient trop et manifesteraient trop cette envie sexuelle. Finalement, au XVIIIe siècle, on a l'hystérie qui est la maladie de la normalité féminine, et puis la nymphomanie et la masturbation, qui serait le grand fléau de l'Europe au XVIIIe siècle. Les médecins vont observer que cette ligne de démarcation entre le tempérament féminin et le tempérament masculin n'est pas du tout aussi simple et n'est pas du tout aussi nette. Et donc va se dégager en quelque sorte une nosographie plus complexe des maladies des femmes, où à l'intérieur du groupe des femmes se créent des sous-catégories. C'est-à-dire toutes les femmes sont froides et humides, sauf certaines, mais ce ne sont que des exceptions. Et parmi ces exceptions, une des maladies les plus importantes, c'est ce qui va être qualifié de fureur utérine et qui va donner lieu à toute une élaboration de la nymphomanie et qui va qualifier plutôt des femmes considérées comme d'un tempérament brûlant, chaude, et qui vont être décrites dans les traités comme soit les femmes du peuple, les vivandières, mais aussi les prostituées, les paysannes, et d'ailleurs qui sont qualifiées même physiquement, elles sont brunes, elles ont le teint mat, et on considère qu'elles sont des formes semi-viriles, demi-viriles. On vient rationaliser des mutations en fait de genre pour expliquer ces cas particuliers, mais qui aussi marquent des frontières en termes de statut, de classe et très rapidement de couleur. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que au même moment, au XVIIe siècle, les récits de voyage ou les premiers traités de médecins dans les colonies sucrières vont également développer des stéréotypes des femmes esclavagisées comme étant à l'opposé du tempérament féminin européen et en étant décrites comme des femmes au tempérament sanguin. Elles disent, ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont tel quel, adoré à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur leur bûcher, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leurs arrière-cours. Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours, dans leur discours, traîné dans la boue. Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, ce sont des variantes biologiques. Elles disent, ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races, qu'ils ont appelées inférieures. Elles disent oui, ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs, les mêmes maîtres qui ont dit que les nègres et les femelles n'ont pas le cœur, la rate, le foie à la même place qu'eux. Que la différence de sexe, la différence de couleur signifie l'infériorité, droit pour eux à la domination et à l'appropriation. Elles disent oui, ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs qui dorment couchés sur leurs coffres pour protéger leur argent et qui tremblent de peur quand la nuit vient. She was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger and a tiger in the wild. Monique Wittig, Les Guerrières, 1969. Go. Ce qui est frappant avec l'hystérie, c'est qu'on voit une adéquation quasiment parfaite entre la catégorie d'hystérie et les catégories de genre. Et ça, pour moi, c'est un des éléments qui explique aussi qu'il y a une pathologisation de la féminité. Toutes les études montrent que pour divers troubles, y compris physiques, les maladies des femmes ne sont pas prises au sérieux par rapport à la difficulté que les femmes ressentent. Par exemple, la prise en charge de la douleur est souvent sous-évaluée par les soignants quand c'est une femme qui la ressent. Et typiquement, les troubles cardiovasculaires également, ce sont des troubles qui sont la première cause de mortalité même des femmes aujourd'hui. Concrètement, une femme qui ressent des symptômes de crise cardiaque va se présenter aux urgences et dans une énorme partie des cas, on va la renvoyer chez elle avec des anxiolytiques en considérant qu'elle fait une attaque de panique. C'est un exemple qui exprime deux phénomènes, à la fois le fait qu'on ne prend pas au sérieux les maladies lorsqu'elles sont exprimées par des femmes, et l'autre chose c'est la tendance statistique qui veut qu'on va psychiatriser les troubles féminins et on va leur trouver des solutions qui sont médicamenteuses, mais médicamenteuses en termes de psychotropes, donc de médicaments qui touchent à l'esprit. C'est particulièrement le cas également pour tout ce qui est maladie des organes génitaux, enfin le sous-diagnostic de l'endométriose, vulvodynie, enfin tous ces troubles-là, ils vont être sous-diagnostiqués, pas pris au sérieux, pas, en tout cas pas autant au sérieux que le voudraient les patientes, et puis ensuite il n'y aura pas de réponse thérapeutique adaptée. Moi j'ai compris que quelque chose n'allait pas il y a 10 ans, donc j'avais 25 ans. Un matin, je me suis réveillée, j'avais mal comme si j'avais mes règles, alors que je trouvais des règles extrêmement régulières à l'heure près, et là, c'était pas du tout bon moment. Et voilà, et cette douleur-là, alors, elle n'était pas très très intense, c'était pas la pire douleur que j'ai connue, mais le problème, c'est que 3 jours après, elle était toujours là, 4 jours après, elle était toujours, 10 jours après, elle était toujours, et 10 ans après, elle y est toujours, quoi. Et c'est jamais parti. Madeleine. Assez vite, on a parlé d'endométriose. Au bout de 3 semaines, on a parlé d'endométriose. 3 semaines après, on parle opération. J'ai été opérée 6 semaines après le début des douleurs. Donc, vraiment extrêmement rapide. Ma douleur est une douleur pelvienne. C'est à peu près au niveau de l'utérus. Ça, c'est la douleur que j'ai en continu. Et après, quand j'ai vraiment des périodes de grosses douleurs, ça va irradier dans tout le bas du dos, les fesses, tout le périnée d'une manière générale, la vessie et les jambes. La douleur que je ressens le plus souvent, c'est comme un fer à repasser posé sur le ventre. Le diagnostic ayant été très rapide, ça a été un peu particulier pour moi, puisque j'avais déjà le diagnostic quand on a remis en cause mes douleurs. On m'a dit, vous avez été opérée, donc c'est pas l'endométriose, sinon ce serait réglé. Après ça, le chirurgien a arrêté de me suivre et m'a envoyé en centre antidouleur. J'ai eu très vite une obligation de suivi psychologique. Ça s'est extrêmement mal passé. Très vite, comme je répondais mal aux différents traitements, qui étaient surtout à base d'antiépileptiques et parfois d'antidépresseurs, il y avait déjà dans l'idée du médecin que c'était psychosomatique. Ensuite, plus tard, j'ai vu un neurologue extrêmement réputé, j'ai oublié son nom. Donc j'y vais quand même avec pas mal d'espoir, sachant qu'il est spécialisé dans les douleurs neurologiques inexpliquées. Donc j'avais l'impression vraiment d'avoir enfin sonné à la bonne porte. Il m'a quand même fait un électromyogramme pour vérifier, ce qui est quand même un examen extrêmement désagréable puisqu'on envoie du courant électrique dans les nerfs. Et j'étais pas encore habillée, qui me dit, vous savez, il faudrait penser à consulter. Et je dis, c'est exactement ce que je fais. Enfin, Donc, à force d'insister lourdement, il a fini par me dire, non mais vos douleurs, elles sont forcément psychosomatiques. Et c'est le jour où j'ai compris que les médecins disaient que c'était psychosomatique quand ils n'avaient pas de réponse. Je pense que je passe le plus clair de mon temps aujourd'hui à essayer de ne plus avoir conscience de mon corps. Ce qui est un peu étrange pour moi, puisque comme je faisais énormément de sport, j'étais quand même assez consciente de mon corps, puisqu'il n'est plus vivable, donc je m'efforce de l'oublier. L'endométriose, c'est une pathologie qui touche, on pense, plus d'une personne sur 10. Donc en fait, il y a des cellules qui ressemblent à des cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus et qui est évacué pendant les règles. Laura Berlingot, gynécologue. Et donc ces cellules qui ressemblent à l'endomètre, elles vont se positionner à des endroits où elles ne devraient pas être, c'est-à-dire pas dans l'utérus. Et ça peut aussi aller se mettre absolument partout sur le corps. Et donc le plus souvent, ça reste au niveau pelvien. Mais ça peut aussi aller se mettre sur la vessie, sur le tube digestif. Et ça peut même remonter au niveau du diaphragme, dans l'ombilic, dans le nombril. On a vu des cas d'endométriose dans le cerveau. Et en fait, cette variété de où est-ce que va aller se mettre l'endométriose, ça explique aussi une variété de symptômes qui est très grande. Toutes ces descriptions-là, c'est des choses en fait qu'on retrouve depuis... 2000 ou 3000 ans, quoi. Et comme on ne savait pas exactement ce que c'était, effectivement, on ne connaissait pas les mécanismes, mais qui ont pu être renvoyés à des choses complètement psychologiques. La matrice, donc, le plus souvent change de place et fait des mouvements assez pétulants et étranges au corps de la femme. Ces mouvements ici sont divers, à savoir ascente, descente, convulsion, vagabond, procident. Elle monte au foie, rate, diaphragme, estomac, poitrine, cœur, poumon, gosier et tête. Elle descend vers les parties honteuses, vessie, boyau droit, hanche, haine. Elle incline par convulsion vers les côtés droit, gauche, derrière, devant. Elle vagabonde de toutes parts. Jean Liebeau et Giovanni Marinelli, Trésor des remèdes secrets pour les maladies des femmes, 1585. Si ces textes m'ont intéressé aussi, c'est qu'ils avaient la vertu, au moins, de regrouper des maux réels dont les femmes souffraient, et dont les femmes peuvent toujours souffrir aujourd'hui. Que ce soit, effectivement, des douleurs de règles, des suites de couches, ou ce qu'on appelle aujourd'hui endométriose. Et, sans être médecin, on ne peut qu'être frappé par des analogies entre cette maladie et ses déplacements de la matrice que décrivent ces textes anciens. On m'a très souvent proposé d'avoir un enfant pour atténuer les douleurs. Ça, c'est la première solution qu'on m'a proposée. Enfin, juste après l'opération, puisque j'ai été opérée très rapidement, quand on a vu que ça ne fonctionnait pas, on m'a de suite dit que je pouvais avoir un enfant pour essayer de stopper la maladie, puisqu'on sait que chez certaines femmes, ça peut avoir un effet au moins le temps de la grossesse. Souvent, ça dure quelques mois, peut-être une année, mais c'est très rare que ça fasse disparaître les douleurs sur le long terme. Déjà, c'est un conseil un peu particulier, puisque l'enfant, lui, reste a priori jusqu'à la fin de notre vie. Donc, bon. Les ressemblances entre, enfin les liens entre endométriose et hystérie, douleurs, des crampes, les convulsions, surtout quand les femmes tombaient inconscientes et se réveillaient en tremblant et qui ne se souvenaient pas de ce qui leur arrivait, c'est-à-dire elles ne se souvenaient pas du tremblement. Anna. Ça m'a vraiment frappée parce que voilà, je l'ai vécu à peu près une fois par mois. Je devais m'allonger quasiment toute la journée. J'arrivais pas à bouger, quoi. Et ça a duré. Enfin, ça a duré le reste de ma vie. La grande attaque ne survient d'ordinaire que tous les mois, au moment de ses règles, et dure plusieurs jours. Quand on demande à Marie B de préciser le point douloureux, elle montre la région ovarienne. Elle a des étouffements. La sensation douloureuse part du ventre, s'arrête à l'épigastre, puis monte à la gorge et produit la suffocation. Elle a de violentes palpitations cardiaques. Ses oreilles sifflent, elle entend comme un wagon qui passe. Ses jambes tremblent et fléchissent. Elle est prise par moments de secousses générales qui la font sauter sur sa chaise. L'anesthésie est complète et totale. Elle existe des deux côtés du corps et une grosse épingle peut lui traverser les chairs sans qu'elle s'en aperçoive. Dès le départ, ça m'a handicapée. Je tombais inconsciente, en fait. Je saignais très fort. Et ce qui m'avait frappée, c'est que déjà à 11 ans, c'était sujet à ridicule, quoi. On a des tremblements comme ça. Moi, je tombais dans les pommes et quand je me réveillais, je vomissais. Quand j'avais ces crampes, c'était vraiment toute ma vie s'arrêtait. Il n'y avait que ma famille, en fait, qui n'y croyait pas. J'étais dans une famille des évangéliques. Aux États-Unis, les évangéliques, c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a dans l'Europe. Ce sont ceux qui soutiennent Trump. C'est l'extrême droite, quoi. Les suprémacistes blancs. Quand j'ai commencé à avoir ces douleurs, ça a été interprété comme une punition divine pour cette petite fille qui ne veut pas écouter les grands pasteurs qui lui disent comment il faut faire. Voilà. J'ai commencé à tomber dans les pommes plus en plus régulièrement. J'avais justement ce type de douleur très soudaine dans le bas-ventre et je demandais à être amenée aux urgences et mes parents refusaient. Donc, fini mes études, j'ai pu donc aller à l'université qui était à 20 km de chez moi, c'est l'une des meilleures. J'ai pu avoir une bourse d'études pour venir finir mes études à Lyon, à Lyon 2, et c'est là où je suis enfin partie. Elle réussit à échapper des mains des infirmières, s'élance dans la cour, et là, se livre à des gesticulations qui ne connaissent ni règles ni freins. Bien mieux, quand elle est vêtue, elle dépouille ou déchire une partie de ses vêtements. Je l'ai vue, sous une pluie battante et au milieu de la boue, se livrer au même transport. Elle court à demi nue, la tête renversée, balançant le tronc en avant et en arrière, sautant d'un pied sur l'autre, accélérant et ralentissant sa marche et élevant les bras qu'elle agite au-dessus de sa tête. Elle pousse des cris de bête féroce, ou bien déclame des discours insensés. Tantôt, elle demande à grands cris pardon à Dieu de ses fautes et prononce des malédictions d'une voix terrible. Elle se laisse choir, tout d'un coup, et demeure immobile, on la dirait sans vie. La contracture passagère d'un membre vient souvent imprimer à toute cette scène une physionomie bien spéciale, je dirais même bien hystérique. Paul Richer, étude clinique sur la grande hystérie ou hystéroépilepsie, 1881. À partir de 2019, j'ai commencé à ne plus sentir ma jambe droite. C'est pas normal. J'ai fait le tour de médecins. Tous les médecins m'ont traité de folle. Non mais madame, faut arrêter, vous vieillissez. Ils m'ont toujours dit mais c'est dans votre tête. Et donc j'ai insisté quoi. Donc, je rencontre Dr Fazel, il relit l'imagerie. Il a dit, écoutez, avec votre historique, on va faire une chirurgie pour essayer de voir. Donc, il l'a fait et je me souviendrai toujours de sa réaction. Il avait encore un outil dans la main quand je me suis réveillée. Il a claqué sur la table. Il a dit, c'était pas dans votre tête. Vous avez de l'endométriose partout, partout. Donc j'avais une endométriose sur le nerf sciatique qui bloquait ma jambe. Chaque être en moi est un oiseau. Je bats toutes mes ailes. Ils voulaient te retrancher de moi, mais ils ne le feront pas. Ils disaient que tu étais infiniment vide, mais tu ne l'es pas. Ils disaient que tu étais si malade que tu agonisais, mais ils avaient tort. Tu chantes comme une écolière, tu n'es pas déchirée. Laisse-moi étudier les tissus cardiovasculaires. Laisse-moi examiner la distance angulaire des météores. Anne Sexton, 1969, pour fêter ma matrice. Alors là, nous sommes dans le hameau du pied de la Plagne. Et c'est là où ont eu lieu les toutes premières crises d'épidémie de morzine avec les jeunes filles de la famille Tavernier. Jean-Christophe Richard, auteur de Les possédés de morzine, l'enquête historique. À l'époque, environ 1850, c'était vraiment un cul-de-sac, c'est-à-dire que les routes pour accéder étaient des petites routes très étroites. Il fallait pratiquement une journée pour aller jusqu'à Thonon. Les habitants de Morzine vivent pas mal en autarcie, ils sont très croyants, très superstitieux et complètement inféodés au clergé. Les gens étaient très pauvres, ça veut dire que des fois ils vivaient avec une seule vache pour nourrir toute la famille. On avait une bonne partie d'hommes qui partaient émigrer à la belle saison vers Genève pour faire des chantiers, c'était les maçons, ils s'appelaient les Frahans. Ils allaient tailler les pierres pour construire les immeubles à Genève. Les descriptions des premières crises sont assez variables selon les témoignages qu'on a, mais globalement, on parle de deux jeunes filles qui étaient bergères et qui allaient s'occuper de surveiller le bétail. Alors elles avaient 11 ans, elles étaient en train de préparer leur première communion. Et elles auraient vu la Vierge qui leur aurait donné des messages. Elles ont développé des crises où elles perdaient connaissance, elles s'agitaient. Pour le clergé, la cause était surnaturelle. Ces femmes étaient possédées du démon. Alors que pour les médecins, notamment un des premiers médecins de Thonon qui est monté, qui était le docteur Tavernier, lui, il a assez rapidement prescrit des médicaments en disant les filles, elles ont besoin de se changer les idées. Les médecins ont appelé ça hystérodémonomanie, justement, parce que chaque fois, elles faisaient référence au diable. Rapport de l'abbé François Valencien, remis en 1870 à Monseigneur Magnin, évêque d'Annecy. La porte principale, de l'autre côté, elle était réservée pour les cérémonies. C'était au mois de mars de l'année 1857. À l'époque, le chœur, il devait s'arrêter là. Vous voyez, on voit l'ancien mur, là, comme ça. Au lieu d'isoler les atteintes, comme le recommande Monseigneur Rendu, on les donne en spectacle. On a commencé avec deux personnes. Progressivement, c'est monté jusqu'à 200-300 personnes qui étaient répertoriées à Morzine comme atteintes du mal de Morzine. Les curieux viennent de loin. Les malades excitent l'intérêt. On raconte des faits étranges. On dit qu'elles grimpent jusqu'à la fine pointe des sapins et qu'elles redescendent la tête en bas, qu'elles vont d'un sapin à l'autre comme les écureuils. Quand elle parlait de crise, ça commençait souvent par une boule au ventre. Progressivement, ces crises sont plus devenues un peu comme des crises d'hystérie qui ont été qualifiées d'hystéricisme par les médecins à l'époque. Où les femmes ont presque toujours les mêmes symptômes, c'est-à-dire qu'elles se roulent par terre, elles vocifèrent, mais elles ont toujours conscience de ce qu'elles font. Alors. En 1864, on a le préfet déjà qui vient, je crois, au mois d'avril, pour prendre un peu la température, voir ce qui se passait. Il a fait une réunion dans une salle où il a pris quelques femmes qui étaient susceptibles de faire des crises. Elles sont toutes rentrées en crise, elles l'ont invectivé, etc. Donc là, il s'est dit, oula, c'est grave. Et quelques temps après, l'évêque est venu pour la confirmation. Et là, il s'est vraiment rendu compte de ce qui se passait. C'est-à-dire que les femmes l'ont carrément agressé, fait tomber son anneau épiscopal. Enfin, il y a eu tout un scandale. À l'époque, c'était vraiment un scandale, ça. Dès que les cloches ont sonné, les femmes ont commencé à rentrer en transe. Elles l'ont vraiment agressé. Donc ces crises, elles durent une quinzaine d'années en tout ? On va dire en gros de 1857... jusqu'à 1870. Le poids de la morale et des traditions était énorme. C'est-à-dire que les femmes étaient prises entre deux idées opposées, La première, c'était le poids de la morale et des traditions. Et puis de l'autre côté, elles se rendaient compte que bah, il y avait tout un autre monde auquel elles aspiraient, mais elles n'y avaient pas droit. Et cette ambivalence pouvait créer justement ces crises. Il y a aussi une chose, c'est que c'est, comme c'était une société matriarcale, elles avaient toutes les responsabilités sur leurs épaules, mais elles n'avaient pas tous les droits. Docteur Constant, au début, il était essentiellement répressif. En 64, il est revenu précipitamment après ce qui s'est passé avec l'évêque. Là, c'était un peu nos limites. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que la route de Morzine à Thonon soit refaite, que Morzine soit complètement sortie de son isolement. Il a fait venir des instituteurs laïcs. Aussi, il a créé une bibliothèque, il a organisé des bals, des fêtes populaires, une fanfare. Il y a beaucoup de choses qui ont permis à Morzine d'avoir d'autres activités que les activités religieuses. Ça a sorti Morzine de son isolement, bien sûr. Hystérie, hystéricie, hystéricisme, hystéralgie, spasme hystérique, passion hystérique, spasme, maux de nerfs, attaque de nerfs, vapeur, lamarie, asthme des femmes, mélancolie des vierges et des veuves, suffocation utérine, suffocation de matrice, suffocation de la mère, épilepsie utérine, étranglement utérin, vapeur utérine, névrose utérine, métronervie, névrose métrique, métralgie, ovéralgie, utérocéphalie, encéphalie spasmodique. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que l'hystérie existe encore et imprègne encore la manière dont les maladies de femmes sont considérées? Je pense à la mort en fait de Naomi Muzanga, qui est cette jeune femme de 22 ans qui est décédée en mai 2018 après avoir tenté d'appeler les services de secours et en essayant d'exprimer sa souffrance et sa douleur et en demandant de l'aide, a été assassinée du fait d'un préjugé raciste parce que la personne des services médicaux au téléphone a considéré que il s'agissait d'une femme africaine et que par définition elle devait nécessairement surjouer la douleur ou exprimer de façon excessive sa souffrance. Alors le nom, j'ai compris Musenga, M-U-S-E-N-G-A, je lui ai fait épeler, a priori ça doit être ça. Ouais. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça apparemment. Ouais. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est certain, ouais. Comme tout le monde. Voilà. Ouais, ça marche. Écoute, je te la passe. Ouais. Oui, allô. Allô. Aidez-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. La médecine n'échappe pas à l'ensemble des comportements discriminatoires de notre société. Le racisme, ça existe. Le racisme, c'est systémique. Et donc, oui, il y a des biais racistes en médecine. Et que clairement, ça, c'est ce que j'ai vu, des a priori racistes, avec cette idée, par exemple, que les personnes d'origine méditerranéenne ou africaine en font beaucoup. Alors, surtout les femmes, dans les maternités, dans les services de gynécologie, on dit que, voilà, culturellement, en fait, elles ne résistent pas à la douleur, que, oui, elles crient, mais elle a sûrement pas plus mal qu'une autre. Le syndrome méditerranéen n'est absolument pas un syndrome. Il n'y a pas marqué dans un livre syndrome méditerranéen. Je pense pas qu'on puisse le retrouver. Mais par contre, c'est, voilà, du transmis. Et ça n'existe pas, on est bien d'accord. Et notamment, ce nom de syndrome méditerranéen, c'est vraiment hyper trompeur, parce que c'est vraiment un concept raciste dans lequel on a mis, en plus, une impression de scientificité. Voilà. Et ça, c'est une référence directe au syndrome nord-africain qui a beaucoup été critiqué et étudié et dénoncé par Frantz Fanon dans la revue Esprit. En fait, essaye de retracer également l'histoire de cette parole. Comment, dans l'examen clinique, et comment dans le rapport entre patient et médecin, se joue autre chose précisément qu'un examen clinique, mais aussi une grille de lecture dans le cadre d'un dispositif colonial ou post-colonial. Le médecin est en permanence sur la retraduction de l'expression d'une souffrance. Et dans le cadre de Naomi Muzenga, de fait, elle est décédée quelques heures après, précisément parce qu'au fond, sa parole n'avait aucun poids face aux préjugés racistes des services médicaux. L'hystérie existe encore de façon beaucoup plus larvée, puisque finalement l'hystérie, c'est toujours ramener les femmes à cette forme de dépossession d'elles-mêmes. Elles ne sont pas trop de 6 pour la maintenir. Sa bouche est ouverte. Des paroles inarticulées, des cris sont entendus. Elle frappe la terre de ses pieds. Elle tord ses bras pour les dégager de l'emprise. Elle secoue la tête dans tous les sens. À un moment donné, elle se laisse tomber à terre. Elle frappe le sol de ses bras. Elle se roule en hurlant. Sa bouche se saisit de la terre et la recrache. Ses gencives saignent. Des mots comme mort, sang, sang, brûlure, mort, guerre, guerre, guerre sont entendus. Elle déchire ses vêtements alors, elle cogne sa tête contre le sol jusqu'à tomber muette, assommée. 4 d'entre elles l'emportent en chantant. Derrière mes paupières, le songe n'atteint pas mon esprit. Que je dorme ou que je veille, il n'y a pas de repos. Les fantômes de l'hystérie, avec Alix, Madeleine, Anna, Elsa Dorlin, Jean-Christophe Abramovici, Julia Legrand, Laura Berlingot et Jean-Christophe Richard. Merci à Francesca Arena, Abigail Sands, Caroline Payen, Caroline Comte et à l'association À nos corps résistants. Lecture, Mélissa Barbeau et Estelle Meyer. Documentation sonore et musicale, Marion Guilaine, Antoine Villose, Abigail Sands, Mylène Touché. Prise de son, Yann Frissy, Élise Le, Titouan Oex. Mixage, Antoine Viossa. La série documentaire, Perrine Carvran, Marie-Yvonne Abolivier, Anaï Morales. Les fantômes de l'hystérie, une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard.